Chapitre 2. Retour à Coppé. Persécutions diverses. En revenant à Coppé, traînant l'aile comme le pigeon de la fontaine, je vis l'arc-en-ciel se lever sur la maison de mon père. J'osais prendre ma part de ce signe d'alliance. Il n'y avait rien dans mon triste voyage qui me défendît d'y aspirer. J'étais alors presque résigné à vivre dans ce château en ne publiant plus rien sur aucun sujet. Mais il fallait au moins, en faisant le sacrifice des talents que je me flattais de posséder, trouver du bonheur dans mes affections. Et voici de quelle manière on arrangea ma vie privée après m'avoir dépouillé de mon existence littéraire. Le premier ordre que reçut le préfet de Genève fut de signifier à mes deux fils qu'il leur était interdit d'entrer en France sans une nouvelle autorisation de la police. C'était pour les punir d'avoir voulu parler à Bonaparte en faveur de leur mère. Ainsi, la morale du gouvernement actuel est de dénouer les liens de famille pour substituer à tout la volonté de l'empereur. On cite plusieurs généraux qui ont déclaré que si Napoléon leur ordonnait de jeter leurs femmes et leurs enfants dans la rivière, ils n'hésiteraient pas à lui obéir. La traduction de cela, c'est qu'ils préfèrent l'argent que leur donne l'empereur à la famille qu'ils tiennent de la nature. Il y a beaucoup d'exemples de cette manière de penser, mais il y en a peu de l'impudence qui porte à la dire. J'éprouvais une douleur mortelle en voyant pour la première fois ma situation peser sur mes fils, à peine entrés dans la vie. On se sent très ferme dans sa propre conduite quand elle est fondée sur une conviction sincère, mais dès que les autres souffrent à cause de nous, il est presque impossible de ne pas se faire des reproches. Mes deux fils, cependant, écartèrent très généreusement de moi ce sentiment et nous nous soutîmes mutuellement par le souvenir de mon père. Quelques jours plus tard, le préfet de Genève m'écrivit une seconde lettre pour me demander, au nom du ministre de la police, les épreuves de mon livre qui devaient me rester encore. Le ministre savait très exactement le compte de ce que j'avais remis et conservé, et ses espions l'avaient fort bien servi. Je lui donnai dans ma réponse la satisfaction de convenir qu'on l'avait parfaitement instruit. Mais je lui dis, en même temps, que cet exemplaire n'était plus en Suisse, et que je ne pouvais ni ne voulais le donner. J'ajoutai, cependant, que je m'engageais à ne pas le faire imprimer sur le continent, et je n'avais pas grand mérite à le promettre, car quel gouvernement continental eût alors pu laisser publier un livre interdit par l'empereur? Peu de temps après, le préfet de Genève fut destitué, et l'on crut, assez généralement, que c'était à cause de moi. Il était de mes amis. Néanmoins, il ne s'était pas écarté des ordres qu'il avait reçus. Bien que ce fût un des hommes les plus honnêtes et les plus éclairés de France, il entrait dans ses principes d'obéir avec scrupule au gouvernement qu'il servait. Mais aucune vue d'ambition, aucun calcul personnel ne lui donnait le zèle requis. Ce fut encore un grand chagrin pour moi que d'être ou de passer pour la cause de la destitution d'un tel homme. Il fut généralement regretté dans son département, et dès qu'on crut que j'étais pour quelque chose dans sa disgrâce, tout ce qui prétendait aux places s'éloigna de ma maison, comme on fuit une contagion funeste. Il me restait toutefois, à Genève, plus d'amis qu'aucune autre ville de province en France ne m'en aurait offert, car l'héritage de la liberté a laissé dans cette ville beaucoup de sentiments généreux. Mais on ne peut se faire une idée de l'anxiété qu'on éprouve quand on craint de compromettre ceux qui viennent nous voir. Je m'informais avec exactitude de toutes les relations d'une personne avant de l'inviter, car si elle avait seulement un cousin qui voulût une place ou qui la possédât, c'était demander un acte d'héroïsme romain que de lui proposer seulement à dîner. Enfin, au mois de mars 1811, un nouveau préfet arriva de Paris. C'était un de ces hommes supérieurement adaptés au régime actuel, c'est-à-dire ayant une assez grande connaissance des faits et une parfaite absence de principes en matière de gouvernement, appelant abstraction toute règle fixe et plaçant sa conscience dans le dévouement au pouvoir. La première fois que je le vis, il me dit tout de suite qu'un talent comme le mien était fait pour célébrer l'empereur et que c'était un sujet digne du genre d'enthousiasme que j'avais montré dans Corinne. Je lui répondis que, persécuté comme je l'étais par l'empereur, toute louange de ma part, adressée à lui, aurait l'air d'une requête, et que j'étais persuadé que l'empereur lui-même trouverait mes éloges ridicules dans une semblable circonstance. Il combattit avec force cette opinion. Il revint plusieurs fois chez moi pour me prier, au nom de mon intérêt, disait-il, d'écrire pour l'empereur, ne fût-ce qu'une feuille de 4 pages. Cela suffirait, assurait-il, pour terminer toutes les peines que j'éprouvais. Ce qu'il me disait, il le répétait à toutes les personnes que je connaissais. Enfin, un jour, il vint me proposer de chanter la naissance du roi de Rome. Je lui répondis en riant que je n'avais aucune idée sur ce sujet et que je m'en tiendrais à faire des vœux pour que sa nourrice fût bonne. Cette plaisanterie finit les négociations du préfet avec moi sur la nécessité que j'écrivisse en faveur du gouvernement actuel. Peu de temps après, les médecins ordonnèrent à mon fils cadet les bains d'Aix en Savoie, à 20 lieues de Copé. Je choisis pour y aller les premiers jours de mai, époque où les eaux sont encore désertes. Je prévins le préfet de ce petit voyage et j'allais m'enfermer dans une espèce de village où il n'y avait pas alors une seule personne de ma connaissance. À peine y avais-je passé 10 jours qu'il m'arriva un courrier du préfet de Genève pour m'ordonner de revenir. Le préfet du Mont-Blanc, où j'étais, eut peur aussi que je ne partisse d'Aix, disait-il, écrire contre l'empereur. Et bien que Londres ne fût pas très voisin d'Aix en Savoie, il fit courir ses gendarmes pour défendre qu'on me donnât des chevaux de poste sur la route. Je suis tenté de rire aujourd'hui de toute cette activité préfectoriale contre une aussi pauvre chose que moi. Mais, alors, je mourais de peur à la vue d'un gendarme. Je craignais toujours que d'un exil si rigoureux, on ne passât bientôt à la prison, ce qui était pour moi plus terrible que la mort. Je savais qu'une fois arrêté, une fois cet esclandre bravé, l'empereur ne se laisserait plus parler de moi, si toutefois quelqu'un en avait le courage. Ce qui n'était guère probable dans cette cour, où la terreur règne à chaque instant de la journée et pour chaque détail de la vie. Je revins à Genève et le préfet me signifia que non seulement il m'interdisait d'aller sous aucun prétexte dans les pays réunis à la France, mais qu'il me conseillait de ne point voyager en Suisse et de ne jamais m'éloigner dans aucune direction à plus de 2 lieues de Copé. Je lui objectai qu'étant domicilié en Suisse, je ne concevais pas bien de quel droit une autorité française pouvait me défendre de voyager dans un pays étranger. Il me trouva sans doute un peu niaise de discuter, dans ce temps-ci, une question de droit, et me répéta son conseil, singulièrement voisin d'un ordre. Je m'en tins à ma protestation, mais, le lendemain, j'appris qu'un des littérateurs les plus distingués de l'Allemagne, M. Schlegel, qui depuis 8 ans avait bien voulu se charger de l'éducation de mes fils, venait de recevoir l'ordre non seulement de quitter Genève, mais même Copé. Je voulus encore représenter qu'en Suisse, le préfet de Genève n'avait pas d'ordre à donner. Mais on me dit que, si j'aimais mieux que cet ordre passât par l'ambassadeur de France, j'en étais bien la maîtresse, que cet ambassadeur s'adresserait au Landamann, et le Landamann au canton de Vaud, qui renverrait M. Schlegel de chez moi. En faisant faire ce détour au despotisme, j'aurais gagné 10 jours, mais rien de plus. Je voulus savoir pourquoi l'on m'ôtait la société de M. Schlegel, mon ami et celui de mes enfants. Le préfet, qui avait l'habitude, comme la plupart des agents de l'empereur, de joindre des phrases doucereuses à des actes très durs, me dit que c'était par intérêt pour moi que le gouvernement éloignait de ma maison M. Schlegel, qui me rendait anti-française. Vraiment touché de ce soin paternel du gouvernement, je demandai ce qu'avait fait M. Schlegel contre la France. Le préfet m'objecta ses opinions littéraires, et entre autres une brochure de lui, dans laquelle, en comparant la Phèdre d'Euripide à celle de Racine, il avait donné la préférence à la première. C'était bien délicat pour un monarque corse de prendre ainsi fait et cause pour les moindres nuances de la littérature française. Mais dans le vrai, on exilait M. Schlegel parce qu'il était mon ami, parce que sa conversation animait ma solitude, et que l'on commençait à mettre en œuvre le système qui devait se manifester, de me faire une prison de mon âme. en m'arrachant toutes les jouissances de l'esprit et de l'amitié. Je repris la résolution de partir, à laquelle la douleur de quitter mes amis et les cendres de mes parents m'avaient si souvent fait renoncer. Mais une grande difficulté restait à résoudre. C'était le choix des moyens du départ. Le gouvernement français mettait de telles entraves au passeport pour l'Amérique que je n'osais plus recourir à ce moyen. D'ailleurs, j'avais des raisons de craindre qu'au moment où je m'embarquerais, on ne prétendît qu'on avait découvert que je voulais aller en Angleterre et qu'on ne m'appliquât le décret qui condamnait à la prison ceux qui tentaient de s'y rendre sans l'autorisation du gouvernement. Il me paraissait donc infiniment préférable d'aller en Suède. Dans cet honorable pays dont le nouveau chef annonçait déjà la glorieuse conduite qu'il a su soutenir depuis. Mais par quelle route se rendre en Suède? Le préfet m'avait fait savoir de toutes les manières que partout où la France commanderait, je serais arrêté. Et comment arriver là où elle ne commandait pas? Il fallait nécessairement passer par la Russie, puisque toute l'Allemagne était soumise à la domination française. Mais, pour arriver en Russie, il fallait traverser la Bavière et l'Autriche. Je me fiais au Tyrol, bien qu'il fût réuni à un État confédéré, à cause du courage que ses malheureux habitants avaient montré. Quant à l'Autriche, malgré le funeste abaissement dans lequel elle était tombée, j'estimais assez son monarque pour croire qu'il ne me livrerait jamais. Mais je savais aussi qu'il ne pourrait me défendre. Après avoir sacrifié l'antique honneur de sa maison, quelle force lui restait-il en aucun genre? Je passai donc ma vie à étudier la carte de l'Europe pour m'enfuir, comme Napoléon l'étudiait pour s'en rendre maître. Et ma campagne, ainsi que la sienne, avait toujours la Russie pour objet. Cette puissance était le dernier asile des opprimés. Ce devait être celle que le dominateur de l'Europe voulait abattre.